n'est-ce pas pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, la chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Les enfants, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Un enfant, c'est le dernier poète d'un monde qui s'entête à vouloir devenir grand. C'était Jacques Brel. Et là, je vais vous relaxer les oreilles avec une chanson, donc le générique d'une mélopée que nous entendrons dans quelques secondes. Passe le magnéto, Raymond, passe le magnéto! Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Facebook. On dit des amis Facebook, mais des fois, on les connaît pas ou on les connaît par réputation ou du fait qu'on adore leurs œuvres, ce qu'ils font. Mais dans ce cas-là, c'est vrai. Philippe Noiroux, c'est un Français qui habite Montréal depuis des années. Et son premier opus, il y a quelques années, je pourrais vous dire l'année, en 97, nous donnait un titre exceptionnel que je veux vous faire partagez maintenant Time, Time, Time. Philippe Noiroux. D'animal qui déchire le silence, pour ce sourire perdu qui se cherche un ami, pour cet enfant lointain qui vieillira en France, et le chemin des mots qui trouve la sortie, pour les rêves enfouis sous chaque pierre tombale, pour le chant des sirènes qui inonde ma tête, pour le vent du matin dans une aile de cigale, pour la douleur du diable quand le péché s'arrête. Sur la plage et pour le cœur qui bat après l'électrochoc. Time. Pour les doigts des amants qui se perdront demain, pour le corps de ces gens gonflés de métastases, et pour ceux qui titubent en parlant à leurs chiens, pour le livre interdit par des analphabètes, pour l'espoir écrasé sous la botte des bêtes, pour le regard vitreux d'une vie qui s'arrête, et pour tous les vainqueurs au bout des mitraillettes. Time. ces larmes de joie qui dansent dans tes yeux, pour l'ouragan des fous, pour le sourire des vieux, pour ce chat endormi qui m'aide à m'endormir, et cette vie quotidienne qui m'apprend à mourir, pour cet éclat de rire au café du matin, et pour le premier cri d'une vie qui commence, pour l'amour qui nous frôle et qui tente sa chance, et puis pour la tendresse enfermée dans nos poings. Time. Câblés de la planète, scotchés devant l'ordino, ont broché sur internet leur libido. Mais plus je vois l'IBM se taper des Macintos, et plus en retour moi j'aime mon stylo. Dans le divan du living room, qu'ils ont baptisé bureau, ils se repassent sur CD-ROOM des jeux idiots. Puis ils effacent par mégarde d'un geste un mois de boulot, et je rigole quand ils regardent mon stylo. Sous le plus humble prétexte, ils vous laser illico sur un traitement de texte, 5 ou 6 mots, édité sur tablature, encore gras en format quarto. Ils n'écrivent pas sur facture mon stylo. Pour trouver le mot qui dure, ils ne poussent pas sur le dico, ils ne font pas de littérature sur Nintendo. Il n'apprend pas l'écriture à la colle et au ciseau. Il préfère ma signature, mon stylo. Bazar et toutes ces mémoires à gogo. Ça ne vaut pas le jus noir d'un café et d'un égo. Faut pas 85 touches pour flinguer tous les salauds. Il n'a jamais qu'une cartouche, mon stylo. Ces polices et ces icônes sont ceux des flics des bigots qui leur ont mis ces fibros dans le ciboulot. Contre toutes les impostures, avec Voltaire, avec Charlot, ils pensent avec des ratures mon stylo. Quand ces gros culs sur la table pèsent moins de 6 kilos, ils les appellent des portables, les salauds. Moi je perds jamais mon programme et j'emmerde les dactylos. Il pèse 41 grammes, mon stylo. Il peut me curer l'oreille et même gratter le dos. Essayez de faire pareil à l'ordino. Gardez vos cybermachines, je préfère sur mon radeau. Naufragé en mer de Chine, mon stylo. Qui n'en voudrait qu'on l'enterre avec un vieux Macintosh? Ça ne supporte pas la poussière, ces animaux. Quand je passerai l'arme à gauche, glissez donc incognito contre mon cœur dans ma poche, mon stylo. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt ? On est prêt ? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne ? Cadré ? Oui, monsieur. Ça tourne. Action ! Cinéma. « la dernière chanson que nous avons entendue. Encore un de mes amis Facebook. T'en as des amis, là? Oui, oui, oui, j'en ai, mais je me sens tellement timide pour leur dire ce que vous faites, c'est exceptionnel, extraordinaire et ça me touche énormément. Ben, Claude Semal est membre de mon groupe cybernétique depuis à peu près 6-7 ans et je lui ai jamais dit que j'écoutais ses chansons régulièrement et qu'il me faisait un grand bien. C'est ça la musique. C'est de nounou. Nounou, ça va bien, nounou. C'est de nounou. Nounounou. Voyons donc, nounou. On l'a fait-tu, oui. Oh, nounou, on s'en fout avec vous. On fait des tout, tout, tout, nounou. Ils nous nourrissent. Ils nous nourrissent. Ça la nourrisse. De leur espoir, de leur vision du monde, de leur facilité. Ça semble facile, mais c'est du travail, là. La facilité à nous reconstituer une société qui est la nôtre, mais à leur vision, leur lunette d'approche, leur loupe singulière. Que ce soit Renaud, Claude Semal, Philippe Noirot, Georges Moustaki, Barbara, Claudia Meyer. Claudia Meyer. Dame tout à fait touchante, vivace, énergique, extraordinairement sympathique et surtout, surtout une passionnée de la chanson. J'ai eu la chance, je dis souvent que j'ai eu la chance, mais c'est vrai, puisqu'ils viennent me voir dans mon bureau des abeilles, dans un bar. Moi, j'ai un bureau dans un bar. C'est assez unique, là. Essayez de trouver ça. À part, bien sûr, les gens qui travaillent eux-mêmes, qui sont propriétaires de bar, ben, leur bureau se trouve là. Mais moi, l'exilé québécois, l'errant québécois, à chaque année, je me retrouve là sur ma rue. Que j'ai nommé comme ça les abeilles. Oui, wow. Mais en pas trop. Il me semble qu'ils l'ont nommé avant toi. Bon, à peine. Je leur ai suggéré, non pas par écrit, non pas par un pigeon voyageur ou pour le... avez-vous entendu ça, les papillons voyageurs? Non. Peux-tu nous en dire davantage? On n'a pas le temps. Parce que je vais vous parler de Claudia Meyer qui est venue de très loin pour me parler d'elle, de sa carrière et surtout, vas-y avec le surtout, t'aimes ça dire surtout, surtout de ce qui l'anime dans la création. Les gens qui l'ont propulsé, qui l'ont amené à ce qu'elle nous propose depuis des années. Là, faites-vous-en pas, ne pleurez pas déjà, puisque la semaine prochaine, c'est encore ma belle Claudia qui conclura cette rencontre qui, aujourd'hui, s'ouvre maintenant. Mais, il faut que je vous dise qu'aujourd'hui, le vendredi 7 juillet 2017, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et vous allez me dire que l'école s'est terminée, pas vraiment. Il y a des cours récupérateurs. Si vous ne voulez pas échouer, puis l'année prochaine doubler ou reprendre, vous pouvez le faire l'été. On dirait que je connais ça. C'est du vécu. Ah, c'est du vécu, là, 100%. Moi, je peux pas nier. Dans quelle matière? Oh, géographie. Géographie, je peux même pas m'orienter, là. Je perds la carte facilement. Ça fait des bonnes émissions, mais lorsque je me trouve à Tombouctou, OK? J'atterris, je crache à Tombouctou. Où suis-je? Où est ton... Hein? Bon. Je le sais pas. Donc, vous allez me dire, c'est un manque de culture. Tu sais, les capitales, puis les provinces, puis à part mon Québec, puis encore là, j'ai peut-être des difficultés dans certaines régions. Val-Bélair, où est-ce que c'est? Je le sais-tu, où est-ce que c'est, Val-Bélair, moi? Pour moi, là, c'est peut-être la stratosphère qui, à un moment donné, a lâché une pierre qui a atterri à Québec, mais comme il y avait du vent, ça a été poussé proche de Valcartier, où un jour, on a dit, on va planter des militaires là-dedans. Les lois des mesures de bière vont s'ouvrir. On va placer 3-4 épiceries de bière. Puis là, les militaires vont commencer à boire puis à vouloir se chicaner. C'est comme ça qu'on va créer des guerres pour les habitués lorsqu'ils vont aller en Amaninan, en Amazamonine et à l'autre mer, là, l'autre bout du monde. Puis là, pour pas qu'ils s'arrachent les cheveux de la tête, on va y raser. Ils pourront pas s'étirer les cheveux. Puis en même temps, ils n'auront pas un mal de crâne. Ils vont avoir un mal de crâne, mais pas mal aux cheveux. Puis là, pour savoir si c'est un vrai militaire, tu prends ta règle. S'il y a le cheveu, un millimètre, c'est que c'est un militaire. Si c'est un millimètre, ça n'est pas un. Si c'en est un, pour redevenir un vrai mini, il doit se faire raser la mini-moule. Si la mini-moule est moins mini-moule. Hein? Décodeur? Oui. Claudia Meilleur. Et pour nous envelopper dans dans une structure si charmante, unissons-nous autour de mon amie Claudia Meilleur. Mais là, pauvre Claudia, c'est à m'écoute. Elle dit, voyons, c'est quoi cette émission-là? Je me suis pas impliqué. Non, non. Après, je parle plus. Donc, le phare sera dirigé vers toi, mon artiste préféré. J'arrête tout pour vous la proposer. Claudia Meilleur, c'est maintenant. What do you do? What do you do in the bath? Thank you.

Bah oui, tu vois, je me suis dit, ça fait un petit moment que... Ben oui, ça fait 4 ans qu'on essaie de se rencontrer, l'aléa de la vie, du quotidien. C'est ça. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais je suis du genre à ne jamais abandonner la preuve. Je vois ça. Et moi non plus. Eh bien voilà, et surtout, un amoureux de la chanson française ne peut pas laisser de côté une chanteuse aussi extraordinaire que toi. Ah, c'est gentil. Mais écoute, comment vous m'avez connue alors? Sous le soleil, sous les étoiles exactement. En Saint-Anne. Non, parce que moi, je ne fais pas de la chanson française. Je vais en faire. Non, non, non. Vous, c'est Amérique latine. Oui, voilà. Oui, Argentine. Exactement. Et l'intérêt, ouais, c'est grâce à ça, c'est Le Vaillant qui vous a accueilli oui, à un moment donné. Exactement. Bravo. Et moi, j'étais là. Chez moi, au Québec, et je vous écoutais. Ah, c'est vrai! Oui, et je me suis dit, il faut qu'un jour je l'invite, puisque c'est du soleil en musique. Et on peut placer ça dans la variété musicale, au même titre que de la world music, ce que mm-hmm. tu fais. Oui, c'est de la world music, parce que je chante dans pas mal de langues. Donc c'est un petit peu un tour du monde, parce que moi j'ai voyagé, j'ai rencontré des Sud-Américains, après j'ai rencontré des Brésiliens, enfin bon. Et donc, mais par contre là, je suis sur un projet de chanson française. Qu'est-ce que... À l'origine, on va commencer par le début. Tu es pas née à Paris, dans ce tumulte-là. Alors, je t'ai amené un dossier de presse. Oh, c'est bien. Avec, voilà. J'ai déjà le mien, mais celui-là a l'air avec des belles photos et du papier. Voilà, toute la discographie, la belle photo. Merci. J'ai même amené un album, tiens, tu vois, voilà, Le Fuego. Ah, c'est gentil. Où là, il y a My Lady d'Arbanville, de Cat Stevens. On a standards, certains standards. Certains standards, voilà. Est-ce que vous voulez répondre au téléphone? Est-ce que c'est ça? Non, je cherchais, parce que quand je suis à Paris, la fourrière, le machin, je fais très attention. Est-ce que vous voulez que j'attende un peu ou... Non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je vais prendre un bon petit Coca Zéro. Vous semez vos papiers? Ah, désolé, ben oui. Deux fois, Ah non, je suis incorrigé. Coca Zéro? Ah oui, avec des glaces. Ouais. Moi, je vais prendre une limonade. Et une limon. Alors, vous êtes d'où du Québec? Québec. Québec. Oui. Parce que vous savez que moi, j'étais très souvent à Montréal. Montréal, oui. D'ailleurs, l'été dernier, j'ai fait des radios pour la promotion de... J'ai entendu. Voilà. Oui, de votre album. J'ai fait aussi une radio juive. Ah, juive, ok. Voilà, parce qu'il y a une bonne communauté juive aussi. Donc, j'ai fait Radio J. Et puis, surtout, mon premier album, je l'ai fait au Canada, quand j'avais 20 ans. À quel endroit? Ah ben, je l'ai fait avec à Brossard. C'est à Studio. C'est au Québec, c'est pour Canada, c'est au Québec. J'ai fait ça, je suis restée 6 mois et j'ai adoré. Pourquoi Brossard? Et je voulais vraiment aller m'installer là-bas parce que j'ai trouvé. Et bon, la vie a fait que. Voilà. Ah oui, l'aléa de la... Mais j'adore le public québécois, c'est mais magnifique. Mais pourquoi vous avez handicap à Brossard? Non, 200 mètres. Non, parce que c'était un musicien qui avait un studio là-bas. Ok. Donc, je me rappelle qu'on allait et on jouait tous les soirs dans le Vieux Montréal, dans un café-théâtre. Où on se produisait tous les soirs. Et la journée, on faisait de l'album, le soir, on... On indiquait, on essayait de placer des chansons en boîte pour proposer un album éventuel. Est-ce que vous pratiquiez vos chansons sur scène avant de déposer? Bien sûr. C'est d'abord sur scène. Après, on a fait l'album de la scène. Mais moi, j'ai toujours été d'abord à l'origine... D'abord la scène, parce que j'ai fait un album très tard, très tardivement. Oui, mais c'est l'énergie, c'est surtout l'énergie de la scène que vous voulez recréer, que tu veux recréer sur le disque. Oui, sur les disques c'est difficile parce que c'est en studio, mais maintenant c'est pour ça. Le côté dynamique. Oui, mais c'est vrai que sur scène ça n'a rien à voir parce que le studio donne un côté très classique, voilà. Alors que sur scène, c'est pour ça que j'ai appelé mon album Fuego, qui veut dire feu. Oui. Mais... Et vous travaillez dans quelle radio alors? C'est la première radio associative francophone au monde, c'est KRL. Et on est venu... En 74, on débutait. En 82, on est venu à Paris pour ouvrir les Carbone 14. les radios libertaires. Ah oui, et bien. Donc, ça vient de chez nous, 74. Ici, c'est 82-83. Oui, super. Oui, on est une radio encore qui résiste après autant d'années, surtout des changements que l'on connaît au niveau culturel. On tient la route et... Ah ben c'est super, bien oui. sûr, heureusement qu'il y a des radios comme ça. Oui, mais... Et sinon, vous êtes... Elle est où, dans quelle ville? Québec. Ah, Québec même. Québec, oui. Ah, quand vous m'avez dit ça, j'ai dit bon, peut-être qu'il a... Québec, au coin de la 4e avec avenue, de la 3e avenue. Avec les petits chevaux et les calèches. Oui, mais ça, c'est dans le vieux Québec. Parce qu'à Québec, c'est pas ça, là. Si vous allez dans le centre-ville... Ça fait longtemps que je suis pas allée. Oui. Mais les chevaux n'ont pas de... C'est à voir. Oui, à voir et à revoir, surtout. Pour la petite France qui peut exister dans le Québec. Si je viens à Montréal, je viens vous voir. Ben moi, je suis à Québec. Non, si je viens à Québec, oui, je viens vous voir. Oui. Parce que je parle Montréal, c'est parce qu'il y a mon frère qui est là-bas depuis 40 ans. Ah, c'est bien. Qui est marié avec une Québécoise, ben etc. Oui. Et lui, il est professeur de... Enfin, maintenant, c'est un doyen de la faculté de Montréal. OK. De l'UQAM. Ah oui, l'université. Très, très belle université. Ouais. Le premier album s'est fait lentement ou avec une certaine un empressement. Le premier album, ça a été très curieux parce que ça faisait déjà 15 ans que je faisais des maquettes dans mon studio parce que la personne avec qui je travaille a un studio et on a fait des maquettes. On a beaucoup tourné parce que j'ai changé de style, parce que j'ai rencontré pas mal de musiciens. Donc, je suis partie sur la variété française. D'ailleurs, sur ce projet que je suis revenue maintenant. Que vous allez caresser, que vous allez entreprendre bientôt. Voilà, exact. Il y a 20 ans, je l'avais commencé. Entre-temps, j'ai rencontré des Sud-Américains. Puis ensuite, je les ai quittés. Et j'ai fait du piano-bar. J'ai travaillé avec des artistes. C'est une école, le piano-bar. C'est intéressant. Mais moi, j'ai commencé dans les cabarets. Donc, c'était une école aussi. Mais après, j'ai fait plus du jazz, du blues. J'ai été plus dans des groupes un peu plus rock. Ouais. Donc, et après... Je me suis dit quand même la musique latine c'est ce que j'ai vraiment de plus fort en moi. C'est la flamme. Voilà. Et la chanson française. Et j'ai dit voilà, au bout d'un moment, j'ai dit je vais faire un album en espagnol. Déjà je vais donner ça, ce que j'ai depuis longtemps, et après on verra. Et c'est des chansons que vous chantiez sur scène depuis longtemps, oui. Depuis 13-14 ans. Oui. Donc c'est vraiment... Mais que j'ai réaménagé autrement. Oui, et puis il y a des compositions aussi, qui sont colorées par... Oui. Par mais qu'est-ce que vous influencez pour prendre le crayon? Parce que vous auriez pu faire de l'interprétation et... Ben à un moment... Vous aviez quelque chose à dire? Oui, et puis en même temps j'avais envie de retranscrire... par mes influences, faire quelque chose qui parte de moi. Pour le côté comment, singulier. Voilà, pour essayer de regrouper toute cette tendance latine, mais avec ma propre lecture. Parce que je ne suis pas sud-américaine. Voilà. Et je ne porte pas le drapeau, je ne dis... Je ne suis absolument pas, je suis une Française. Une amoureuse de l'Argentine. Voilà. L'Argentine, le Brésil, toute la latine. Parce que je suis tombée sur des Sud-Américains, et en fait, j'ai pas appris. Moi, j'ai plongé dedans parce que ça a été naturel. Et j'ai cherché longtemps pourquoi. On dit au Québec, on tombe en amour. Alors, tu vas tomber en amour. Oui, parce avec qu'en cette même langue, temps. Avec cette musique, avec oui. cette ferveur, oui. cette flamme. Et en même temps, parce que je jouais de la guitare. Ah, donc, oui, la oui. guitare allait bien avec ça. Et puis, comme je viens du Maroc, le Maroc est près de l'Espagne. Oui. Moi, j'ai écouté beaucoup l'espagnol. Mais. Attention, la musique latine, c'est pas la musique. Moi, je connais rien la musique espagnole. Okay. Les flamencos, tout non, ça. Non, non, non. C'est autre chose. La musique latine, c'est particulier. C'est plus vers le Brésil, plus vers la Colombie, Cuba et l'Argentine. En fait, moi, ce qui m'a poussée, c'est une chanteuse quoi, que j'ai adorée. Oui. C'est Mercedes Sosa, qui est la plus grande chanteuse latine. Et au Brésil, c'est Elis Regina. Voilà, moi, je suis très attirée par les voix. Les racines aussi. Très fortes. Voilà. Et puis, bien sûr, qui dégage un message fort, quoi, qui pour une pas, femme, pas surtout, dans la variété, quoi. Surtout Sosa était précurseur. Une femme qui dénonçait, c'était quand même rare. C'était une femme qui s'impose devant un micro, c'était peu commun. Et puis à l'époque, il y avait des problèmes. Audacieuse, pardon? Il y avait des problèmes politiques, oui, donc c'est, elle c'est a audacieux, été... Oui, c'est audacieux. Et c'est ça qui t'attirait, toi, de voir... Est-ce que tu te considères comme une féministe? Le mot féminisme me dérange un peu parce que je pense qu'on est féministe dans notre féminité. Ça veut dire pour moi, le féminisme, c'est la liberté. Même si la route craque sous nos pas, la nuit en un jour se retira. Et tes mains posées sur mes poignets, et le vent souffle sur notre forêt. Je n'ai pas la peur de tout ça. Je t'aime, Inch'Allah. Une barque remplie de voiles, du vent de rêve pour nos escales, et la mer en témoignage, et la mer. Viens, on largue cette roulotte et on se prend la main. À nous deux, on peut voir jusqu'à demain. Et si tu veux, c'est le soleil qui nous éclaire et la vie fait des merveilles. Je veux n'avoir besoin que de toi pour vivre ce monde-là. Une barque remplie de voiles, du vent de rêve pour nos voyages, et l'amour en témoignage, et l'amour. Une barque remplie de voiles, du vent de rêve pour nos voyages, et l'amour en témoignage, et l'amour. Même si la route craque sous nos pas, la nuit en un jour se retira. Et tes mains posées sur mes poignets, et le vent souffle sur notre forêt. Je n'ai pas la peur de tout ça. Je t'aime, Inch'Allah. Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Un gentleman un peu noir est une poule dans un verre, un vrai champagne et caviar est un tour ce mémoire. Ce gentleman dans son frac dit cette bouquet si je claque, je veux que soit dans un lac, un lac. Et le cognac, écoute-moi bien, je vais 30 ans. Écoute-moi bien, je te t'entends. Je ne vais pas encore te donner pommes. Va, tiens, mets ma poche, regarde-moi bien. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien. Tu me trouves l'errance. Une fois s'il fallait, voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cana Charleston. Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans le bar. Oui, il a sorti ses dollars et dit troublier les pauvres. Ce gentleman dans son frac a dit pianiste les secs, joue les vieux ailes dans un trac, joue en vrac. Alors ça va, oui, écoute la musique. Bien. Ah oui, c'est ça. Avec mes mémoires maintenant. Alors barman, écoute-moi bien. Alors écoute-moi pas.

De réaliser ses rêves, c'est de choisir sa vie de femme et de ne pas. On paye le prix pour ça parfois, hein, de faire des choses. C'est ça aussi. Voilà, mais c'est ça, être pour moi, être féministe, c'est être libre. Voilà. Mais lorsque tu écris, crois-tu avoir une écriture féminine? Oui, bien sûr, forcément. La sensibilité, parce que je pense qu'une femme. C'est une musique très sensuelle. Ouais. Parce que je pense qu'une femme n'écrit pas comme un homme. C'est tout. C'est normal, la perception est différente. Il y a des choses qui sont communes, mais la perception est différente. Mais j'ai mis du temps à... J'ai chanté beaucoup dans des langues étrangères parce que j'ai jamais trouvé, en fait, des textes assez forts, équivalents à ce que je chantais dans les autres langues. Et moi, la variété, je ne peux pas. Là, tu parles de variété française. Oui, il fallait que j'ai... Il y avait Brel, il y avait Ferré à l'époque. Ben voilà. Donc c'est pour ça que... Barbara. Ah ben voilà ce que vous dites. Alors je suis sur un projet. Barbara? Voilà. Barbara. J'en ai entendu parler, c'est pour ça que j'ai Comment vous l'avez su? Internet. Mais comment? Internet. Je ne l'ai dit à personne, parce que pour l'instant, je le garde secret. Vous n'avez pas parlé, j'ai regardé la page France Inter, votre nom, OK, parce qu'on peut... vérifier les artistes sur France Inter. Ouais. Ils ont une biographie de l'artiste. Et à la toute fin, on indique qu'un projet que vous caressiez était le projet de Barbara. Ouais. Mais ils évoquent juste le fait que ça... Tout à fait. Ouais. Ah oui, je suis en plein dedans. Pourquoi? Parce que... Pourquoi Barbara? Parce que j'ai, quand je faisais les cabarets, j'avais 16 ans, avec ma guitare, je chantais beaucoup de chansons françaises. Je chantais que de la chanson française. Et non, bien sûr qu'il y avait les années 70, Cat Stevens, Bob Dylan, John Baez, tout ça, bien sûr. Et la musique... Chantais en anglais aussi. Oui, bien sûr. Oui. Avec un accent? Je pense que j'ai moins d'accent dans les langues latines. Okay. L'anglais, c'est moins ma langue, mais j'aime beaucoup. Mais je trouve que l'anglais, c'est tellement... tout le monde chante en anglais. Ça veut dire que j'aime bien, moi, les langues... Ouais, j'aime bien les langues latines parce que ça véhicule une sensibilité incroyable. Et donc, en français, j'ai mis 20 ans à revenir sur ce projet. Pourquoi? Parce que quand j'ai été dans la musique sud-américaine, j'ai chanté du Barbara, j'ai chanté des Piaf, j'ai chanté Anne Sylvestre, j'ai chanté... enfin des Brel, tout ça, c'était l'époque, enfin, j'étais pas de la même génération, mais j'étais toujours fascinée par les vrais textes. Et donc quand j'ai commencé à faire mes disques et tout, on me proposait des choses, mais c'était trop variété. Okay. Donc je C'était pas assez introspectif, c'était... Et singulier. Oui, voilà, c'était pas assez fort. Bien sûr qu'il me fallait des textes d'un Brel. Oui, comme j'ai pas trouvé, J'ai bifurqué sur... Non, parce que j'ai du mal à écrire en français. Okay. J'ai écrit quelques textes, mais je compose plus que ce que j'écris. Okay. Parce que par pudeur, par je sais pas, peut-être qu'un jour j'arriverai à écrire mes textes. Mais c'était tellement fort comme texte, que ce soit Mercedes Sosa, c'était tellement fort, et Barbara, tout ça, que je suis pas arrivée à chanter mes propres textes. Okay. Peut-être qu'un jour. Donc, la musique latine, je pense avoir fait 2 albums et comme je ne suis pas sud-américaine, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, je me suis retrouvée à Bruxelles dans un concert, dans un atelier d'un monsieur qui avait 100 ans, qui s'appelle Marcel Astier. Et ce monsieur, c'est un peintre qui a caché des résistants pendant la guerre et qui laissait à disposition à l'époque des artistes comme son atelier pour que les artistes se produisent comme Brel, comme Barbara. Et Barbara s'était installée là-bas. Et moi, je fais le concert dans cet endroit. Et j'arrive, ce monsieur qui avait 100 ans, et bien sûr, il ne pouvait plus monter concerts. Il a mis des micros, c'était un passionné. Et à la fin du concert, Il me dit, je vais voir la chanteuse. Et bien sûr, dans mes spectacles, je mettais toujours deux chansons de Barbara. Même si je faisais de la musique latine, je disais, voilà, quand j'étais dans le cabaret, toujours. Et ça plaisait beaucoup. Et là, il m'a dit, voilà, je vous offre. Il m'a sorti un album inédit qui s'appelle Barbara à l'atelier Marcel Astier. C'est un enregistrement d'une répétition de Barbara qui est restée 50 ans dans un grenier. Est-ce qu'il a été publié ? Là, maintenant, il est publié chez Harmonia Mundi. Mais à l'époque où il me l'a donné, c'est-à-dire il y a 7-8 ans. Et il m'offre ce truc-là. Les frissons d'abord d'avoir chanté dans la même salle, le même endroit. Voir un gars qui m'offre un album d'une répétition inédite et qui me l'offre en me disant « Respect, vous êtes une grande artiste, je pense que Barbara va faire ça. » Et il m'offre ça alors que j'avais pas fait un spectacle sur Barbara. Mais je sais pas. Il y a quelque chose. Et le gars, il avait 100 ans. Ben, 100 ans, on comprend des choses que... Et donc, je repars avec ça et je me dis, attends, il faut que je reprenne ce projet. Il y a un truc, quoi. J'ai ressenti que c'était voilà, comme un encouragement à un projet qui a été tout le temps interrompu et que j'étais trop jeune, peut-être, pour assumer le truc. Et là, j'ai dit, alors là, voilà, je vais le faire. Et malheureusement, moi, c'est... Et puis je voulais pas faire un hommage à Barbara avec le piano, toujours pareil, la dame en noir, l'autre. J'ai dit non, moi si je trouve pas une idée, en fait. On va pas parodier Barbara, on va se l'approprier. Voilà. Et je pense, et là j'ai fait carrément une fiction. C'est-à-dire une fiction, ça veut dire. C'est comme elle rêvait de voyager. Je suis tombée sur une chanson de Barbara qui s'appelle Ah les voyages, qui n'est pas connue. Non. Parce que justement. Moi, je suis partie dans le voyage, hein, comme par hasard, dans le voyage. Et elle aussi. Dans l'errance aussi, vous partez sans. Et elle aussi, c'était une errante, une juive errante. Oui, oui, oui. Et qui n'a toujours qu'une seule valise, qui a été ménagée, qui a la guerre, le machin, et tout ce qu'elle a vécu. Oui, oui. Elle voulait. Et donc, elle voulait trouver son public et chanter. Bon, elle l'a trouvé avec la souffrance. Alors oui. Moi, j'ai imaginé. Une interprétation aussi, elle a interprété Ferré, tout ça, avant même de chanter ses chansons. Bien sûr, elle reprenait Brassens, elle reprenait. Piaf, elle reprenait Colette Renard, elle reprenait des chansons comme ça. Gainsbourg, je ne suis pas sûre. Oui, oui, elle a repris la javanaise. Si vous achetez le coffret de Barbara, c'est 13 CD. Et vous avez le 13e CD, c'est des inédits, dont elle a repris 5 chansons de Gainsbourg. Ah bon? Oui, ouais. Aussi M. William de Léo Ferré. Oui, Léo Ferré l'a repris. Ouais, ouais. Gainsbourg aussi a repris M. William. D'accord. Enfin, pour finir l'histoire, pour la faire courte, j'ai attendu un déclic. Quand je suis tombée sur cette chanson, « Ah, les voyages », ça dit toute l'histoire que j'avais imaginée, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'était jamais partie. Et bien là, elle part en voyage. Elle dit « Je ne reste pas ici, ça ne marche pas ». Et ce côté sombre toujours de Barbara. Donc moi, j'ai découvert des chansons pas connues, qui ont attrait au voyage. A fuego mandar tocar las campanas del olvido. A fuego mandar tocar las campanas del olvido. Es imposible olvidar a lo que tanto se ha querido. Ay, fuego lento, fuego de amor encendido. Pesamo palabra escrita en la arena de la playa. Pesamo palabra escrita en la arena de la playa. Es sentimiento escondido en la inmensidad del alma. Ay, fuego lento, fuego de amor encendido. ¿Cómo se va llevando la arena al río, la arena al río? Así se va llevando tu amor, el mío, tu amor, el mío. Fuego de amor encendido. A fuego manda tocar las campanas del olvido. A fuego manda tocar las campanas del olvido. Es imposible olvidar de lo que tanto se ha querido. Ay, fuego lento, fuego de amor encendido. Pesamo palabra escrita en la arena de la playa. Pesamo palabra escrita en la arena de la playa. Es sentimiento escondido en la inmensidad del alma. Ay, fuego lento, fuego de amor encendido.

independent, self-sufficient, got nobody to rely on. Independent, self-reliant, got no shoulder I can cry on. Now I'm living, I'm on my own, going it alone. I don't need anyone, and no one needs me. No need for anyone to help me mix martinis, roast the weenies, bake the blinis, now that I'm free. Independent, self-supporting, traveling light and flying solo every day's Independence Day. Hooray! Free and easy, blithe and breezy, going it alone. I'm independent and on my own. I'm enjoying the delights of a solitary life. To the ties that bind, I've bid goodbye. I'm the spirit of 76, complete with a drum and fife. Since my personal, personal, personal, personal, personal 4th of July. Yes, I'm independent, self-sufficient, got nobody to rely on. Independent, self-reliant, got no shoulder I can cry on. Now I'm living, I'm on my own, going it alone. I don't need anyone, and no one needs me. No need for anyone to help me mix martinis, roast the weenies, bake the blinis, now that I'm free. Independent, self-supporting, traveling light and flying solo every day's Independence Day. Hooray! Free and easy, blithe and breezy, going it alone. I'm independent and on my own. Donc c'est merveilleux parce que j'ai dit, bien sûr il y aura des chansons connues, ouais, ça, ouais, incontournables, ouais, qui font partie de son histoire. Ouais, ouais, donc, que les gens veulent entendre. Bien sûr. Bien sûr, tout ça. C'est beau, hein. Et beau. J'imagine qu'elle est sans son piano, parce qu'elle part, okay, qu'elle laisse son piano, donc elle se retrouve en Amérique du Sud où elle trouve des musiciens qui, okay, colorent ses chansons dans des couleurs latines, jazz. Et elle aime ça, elle aimait tout ce qui... Et elle retrouve sa joie de vivre, elle avait ce côté léger, marrant. Bien sûr qu'il y a des côtés sombres qu'on va retrouver quand elle va retourner à Paris, parce qu'il y a, il y a un côté Paris, un côté... Ouais, ouais. Et elle se dit, non, c'est trop bien, là je réentends mes chansons, c'est magnifique, dans une couleur... J'aurais jamais imaginé que mes chansons pouvaient sonner comme ça, avec une guitare. Et donc il y a aussi mon histoire qui est mélangée à ça. Et ouais, à tout, ouais. À... Voilà. C'est ta vie avec celle de Barbara, c'est l'osmose des... Oui. C'est... Essayer de mélanger tout ça pour en faire un personnage. Mais tout en respectant bien sûr son itinéraire et ce qu'elle a pu dire à chaque fois, des voyages. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Alors, quoi, c'est... J'aimerais revenir sur le deuxième album, puisque, oui, j'ai une amie qui vous adore, qui vous connaît très bien, qui vous écoute depuis plusieurs années avec le premier opus. Et le deuxième, on l'a écouté ensemble avant de quitter pour ici. C'est à la fin juin, et en écoutant cet album-là, on sent l'urgence. C'est-à-dire, c'est intéressant. On sent l'œuvre qui doit rapidement venir au monde. Est-ce que je me trompe? Parce que nous sommes arrivés à ce point de vue-là, après l'avoir écouté, en fait, il s'est passé quelque chose, mais il y a comme une certaine rapidité dans... C'est-à-dire, ben, qu'est-ce qui... On sent l'urgence des mots, l'urgence des et surtout le lien que vous faites entre les pièces. On voit que il s'est passé quelque chose dans votre vie, je ne sais pas, je ne suis pas psychanalyste, et que vous vous êtes dit, il faut que je fasse ce deuxième album-là. Donc c'est oui. Oui? Oui, mais il n'a pas été fait dans l'urgence. Okay. J'ai pris mon temps. Par contre, le premier a été fait dans l'urgence. Mais comme j'ai toujours été prête, c'était un album qui s'est fait en Belgique, à Bruxelles. Parce que il y a des studios incroyables à Bruxelles. Comment ? Il y a des studios incroyables à Bruxelles. Et moi, je faisais la première partie de la chanteuse Morane. Oui, ben oui. Et donc, ça, c'est pas des années 80. Non, là, c'était en 2007. Ok, c'est Morane, Morane version Lugaro, là, quand elle va prendre Lugaro. Oui, oui, oui, ça c'était bien. Et donc, Morane m'a craqué sur moi, parce qu'on avait à peu près... Elle a adoré la chanson, parce qu'elle aime dans la musique latine. J'allais dire, c'est une amoureuse des mots. Oui, oui, et puis de la musique, c'est une musicienne. Ouais. Hein, ouais, voilà. Ouais. Et puis, elle aussi, elle chante en espagnol la chanson qui s'appelle Alfonsina y el Mar, qui est sur mon premier album. Et donc, c'est sa manager qui m'a dit, écoute, on va rentrer en studio, tu fais un album comme tu fais, guitare, voix, percu. J'ai dit, en 3 jours, je dis, quoi? Mais bon, et moi, j'étais en train de travailler le même album chez moi, tranquillement, avec mes musiciens. Et en plus, je ne pouvais pas jouer avec mes musiciens, il fallait que je trouve. Et là, ça a été l'horreur. N'empêche que comme je chantais ça depuis toujours, la Méricorde, j'ai jamais refait une prise, j'ai jamais refait. Alors, par contre, effectivement, il est dans un. Le premier album, il s'appelle Assoul. Oui. J'ai mis toutes les chansons, bien sûr, qui voulaient une cohérence avec toutes les chansons les unes des autres, ce qu'ils ont bien réussi. Le deuxième, je me suis dit, là, il faut que je mette. C'est un petit peu autobiographique comme album. Oui, oui. Puisque, mais on sent aussi le côté. Intérieur. Ouais. C'est-à-dire que ça. Il y a des questionnements. C'est un album de questionnements. C'est-à-dire que j'ai été frustrée d'avoir fait ce premier album, que j'aime beaucoup, trop le premier. Rapidement. Voilà. Alors que j'ai un studio depuis des années, que je n'ai pas abouti. J'ai dit, je vais sortir un album de chez moi, avec mes musiciens, avec mes amis qui viennent, l'autre il vient. Mais toujours en restant acoustique. J'ai dit, je ne veux pas non plus faire un album. Non. Trop produit tout. Donc là, je peux peut-être vous rejoindre, te rejoindre, c'est que j'ai mélangé, en fait, c'est plutôt, j'ai choisi des titres en fonction de ma vie et non pas à une cohérence globale. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un truc de Castivans, il y a un truc très cubain, il y a une chanson un peu plus variété, il y a une chanson de Mercedes Sosa. C'est vrai qu'il est un petit peu hétéroclite. Voilà. Et sur scène, c'est bien ça, parce que sur scène, les gens, ils adorent que ça soit pas... Mais en même temps, je l'ai fait parce que j'ai raconté un petit peu mon voyage autobiographique, un petit peu de ça, quoi. Est-ce que tu trouves que ta carrière a pris du temps? Non, parce que j'ai toujours fait de la musique. Donc, au contraire, j'ai pris mon temps parce que j'ai fait un album tardivement, parce que comme je faisais des... Moi, je m'en foutais de faire un album, moi, tant que j'étais... J'ai fait que tourner, voyager, être sur scène avec Mectin depuis l'âge de 12 ans. Et après, j'ai commencé cabaret à 15 ans. Donc, à 18 ans, j'étais au Québec, j'ai fait mon album, on a tourné, on était. Quel endroit dans le Québec, vous l'avez fait? À Brossard. Dans un studio à Brossard. Ça, c'est les années 80. 80, ok. Et ça, c'était mon premier. C'était le vinyle. Pendant le référendum. Oui. Québec. Ah oui? Si on était pour ou contre le fait de se séparer du Québec. Il y avait René Lévesque qui était là. Ah oui, oui, oui. Très fort, le Québec. Et moi, j'avais mon frère, donc j'ai resté chez mon frère. Je suis resté 6 mois. Ah oui. Et c'était super, le public québécois. As-tu passé l'hiver là? As-tu passé un peu l'hiver là, au mois de janvier-février? Oui, oui, oui. C'est froid, hein? J'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé, ouais. Mais toi qui es une fille du soleil... Oui, mais je trouve que les gens sont tellement chaleureux. Je sais pas, moi... Et puis c'est bien, on aime bien un petit peu l'inverse. J'aimais bien, à chaque fois que je sortais, j'avais un but de glaçon. On appelle ça chez nous la guédille au nez. Avant la guédille au nez. C'est ça. On attendait le bus, je me rappelle, pour aller parce que mon frère... Petit mouchoir pour éponger le tout. Ah, oui, mais c'est ça. Mon frère, il habitait le centre-ville, donc il fallait qu'on aille chez... Sainte-Catherine. Voilà. Et puis non, mais j'ai vécu des moments extraordinaires. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je te disais? On parlait du deuxième opus. Donc le deuxième, je me suis dit, je vais faire un album dans le même esprit que le premier, mais plus produit, avec mes amis, etc. Donc il y a effectivement, c'est pas... Alors, la carrière, non, parce que j'ai fait un album trop tard, ça c'est vrai. Je regrette. Trop tard, ah oui? Ben oui, parce que c'est quoi, j'ai fait ça il y a 10 ans. Alors que j'ai 40 ans de métier, alors qu'il y a des gens qui font des albums à 20 ans. Ouais. Non, j'ai fait des albums avec des maisons de 10, ça n'a pas marché. Mais après, j'ai fait le métier, j'ai fait des chœurs pour XY, j'ai fait les voix d'Esmeralda, j'ai fait des voix pour les dessins animés. J'ai fait des concerts. Et tu vivais ta vie sans avoir un disque. assez bien. Enfin, j'avais mon disque de musique américaine, mais après, je me suis séparée d'eux et j'essayais de faire effectivement un disque. J'ai eu des contrats dans une maison de disques, mais malheureusement, ils m'ont rendu mon contrat et le gars, c'est. Enfin. Et j'avoue que c'était pas un besoin pour moi de faire un album. J'étais bien sur scène. Il n'y avait pas d'urgence. Mais je n'avais quand même. Et là, il y a une urgence. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé les premières parties de Mourad, elle m'a dit, mais il faut que tu fasses un disque que tu vas vendre à la fin. Il faut que comme ça les gens. Je me suis... Et donc cet album est bienvenu. Le manager m'a dit, bah, tu vas le faire en 3 jours. Donc, Et c'était super parce que pendant 1 an, j'ai tourné avec elle. Je chantais sur scène avec elle. Et elle a craqué sur moi. Et donc je vendais mes albums. Et après, j'ai fait la première partie de Lara Fabian. Ce qui est bien, c'est qu'elle t'a présenté à un public que tu ne connaissais pas et vice-versa. Moi, je n'étais pas connue parce que moi, j'étais dans un truc underground, interne. Quand on n'est pas médiatisé, les gens ne connaissent pas. Hein, voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis d'être avoir une visibilité. Et puis avec Lara Fabian aussi, hein, j'ai eu des fans très jeunes qui m'ont suivi. Même, c'est bien parce que ça montre que l'intérêt est là. Oui, ben j'étais étonnée. Moi, j'ai dit, je vais me faire tuer. Avec Lara Fabian, chanter en espagnol, ils s'en foutent. Lara, parce que le public de Morane est plus âgé. Donc, c'est plus des personnes. Mais le public de Lara, c'est 18 ans. Ils ne sont pas prêts, peut-être, à l'introspection. Et là, je suis arrivée. Mais en plus, j'étais seule avec ma guitare. Donc, dès la première chanson, ils ont adhéré. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, salerosa, decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor. Una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón en cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, ir así, irte, niña hermosa. She said